Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure du Dr Disco et de Mr Funk. Le samedi fut bon, l'apéro est prêt, en tout cas moi je suis prêt à vous faire découvrir de nouvelles musiques. Eh ben ça tombe bien parce que c'est l'heure de la découverte. Phyllis Hyman, vous connaissez? Pour la plupart d'entre vous, non je suppose. Hein. Et le titre, You Know How To Love Me, pareil. La chanson date de 1979, année où elle sortira deux albums qui représentent le sommet de sa carrière. La suite sera, comme souvent, plus confidentielle. Est-ce qu'on l'écoute maintenant? Allez, moi je dis oui, c'est parti! Hey. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Une grande dame pour cette double dose, même une très grande dame, en la personne de Diana Ross. Elle a une immense carrière depuis qu'elle a commencé à chanter en 1963 avec son groupe Les Supremes. Nous, c'est la période disco qui va nous intéresser, si vous, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Elle fut très riche en sorties pour elle et Diana se paya même le luxe d'être la première femme dans l'histoire de la télévision à avoir une émission spéciale de 90 minutes intitulée Diana Ross, Here I Am. Elle tourne aussi dans un film aux côtés de Michael Jackson, Le Magicien d'Oz. Il y a une vive concurrence quand même entre elle et Donna Summer pour savoir qui sera la reine du disco. Alors c'est pourquoi les singles se succèdent. Upside Down sort en 1980 et va immédiatement cartonner en se classant numéro 1 dans plus de 20 pays. Rien que ça. Et qui compose le morceau? Bah, c'est Chic bien sûr. Et c'est à ce jour le plus grand succès de Diana Ross avec plus d'un million de disques vendus. L'autre grand tube sera sans conteste I'm Coming Out, lui aussi composé par Chic. Évidemment. Pour l'anecdote, Nile Rodgers a l'idée du titre après avoir remarqué des drag queens habillées comme Diana Ross dans une boîte de nuit. Clin d'œil ou non, c'est à cette période que la star va quitter la Motown et l'influence de Berry Gordon, son mentor. Alors depuis, le titre est devenu un hymne gay, alors on va écouter tout cela tout de suite avec Upside Down et I'm Coming Out. On y va. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. I want the world to know. I got to let it show. Alors, le maxi du jour, eh ben allons-y. Alors, j'ai choisi un tube bien funk, mais alors très très funk même. J'ai choisi le groupe Charade et son titre Give Me the Funk, sorti en 1982. Alors, c'est leur seul titre connu, mais alors quelle bombe! Un tempo qui va vous marquer l'esprit, des synthés qu'on n'est pas prêt d'oublier et des paroles qui résonnent dans la tête. Ah bah vous en voulez du funk? Eh ben vous allez en avoir. Prêt pour l'envoûtement? 3, 2, 1, c'est parti! Fadjet, le festival de toutes les musiques. L'instant français aujourd'hui est consacré à David Christie. Ah oui, c'est un français, moi aussi j'étais étonné. Son vrai nom c'est Jacques Pépineau. Il sort plusieurs albums entre 1974 et 1984 et pas mal de 45 tours. Le plus connu est son contest, Saddle Up, sorti en 1982. Vendu à plus de 500 000 exemplaires, il va se classer dans plusieurs top 10 européens. Bah, ça sera d'ailleurs son seul hit, malheureusement. Alors, le chanteur nous a quittés tragiquement en 1997. On va écouter Saddle Up, c'est tout de suite. On arrive à la fin de cette émission, donc qui dit la fin, dit la pépite. Alors je vais vous faire découvrir aujourd'hui Sister Sledge. Le groupe il est bien sûr connu, mais Thinking of You, un peu moins. Le titre il est sorti en 1979 sur l'album We Are Family, mais le single il va sortir que 5 ans plus tard. On ressent les coutons comme un petit air de chic. Alors je voulais découvrir tout cela, c'est parti pour la pépite. We'll be right back. C'est déjà fini, mais on se revoit samedi prochain, pas de problème, je vous le promets. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche et à samedi prochain, 19h, avec Fred pour Dr Disco et Mr Funk. Bye bye!